D'une taquine un peu c'est bon, avec la boucle du ceinturon, les fesses en l'air, il tombe son pantalon. Un peu surprise, elle s'exécute et timidement elle le percute, se prend au jeu et violemment elle dispute. Précieuse et merveilleuse, élégante et malicieuse, toujours jolie, un peu vicieuse, et une histoire de la squatteuse. Nu comme un ver sur cette plage, le désir non dissimulé, il lui propose de lui faire partager. Un peu surprise par le petit objet, elle en est toute émoustillée, se prend au jeu et finit par goûter. Toujours jolie, un peu vicieuse, les petites histoires de la squatteuse. Un autre jour, un autre temps, un tête à queue mal maîtrisé, son petit diamant vient à tomber. Un peu surprise, sans le dégonfler, elle entreprit de le chercher, son clair de lune l'avait gobé. Précieuse et merveilleuse, élégante et malicieuse, toujours jolie, un peu vicieuse, les petites histoires de la squatteuse. Un peu précieuse et merveilleuse, élégante et malicieuse, toujours jolie, un peu vicieuse, les petites histoires de la squatteuse.